fait toute cette l'idée possible. Ou l'a fait même plus qu'il fallait. Mais dans son tête l'idée finit décidée. Donne le dos pour y aller. Même si ton larme continue à couler. Donc elle est pas prête fini saigner. N'a tellement l'amour ou la donne à lui tous les jours. Et ça ou peut pas oublier. Tous les soirs vous imaginez à lui. En secret. Les toujours tonner quoi la tête quand on repense le passé. Mais si de son côté Ali ou lui il est fini. Ou pourra faire toute cette ouve. Mais ou pourra rien changer. Laisse aller. S'il y veut aller, laisse aller. Tout tard, ça les yeux il va regretter. Laisse aller. S'il y veut aller, laisse aller. Dans son tête ou connaît pas. Mais l'y finit déjà ou qu'il y fait pas. Continuer avec ou pour lui sera plus possible. Car c'est la fin de l'histoire. Même si ou flatte à l'y pour Rony. La peut-être que ou fait plus son bonheur. Pour lui les histoires d'amour les belles et bien finies. Et ou n'a plus le même valeur. Mais tous les soirs ou imagine à lui. En secret. L'y toujours tenait quoi la tête. Quand ou repense le passé. Mais si de son côté à l'y pour lui les fini. Tout tard, ça les yeux il va regretter. Laisse aller, s'il y veut aller, laisse aller. Tout tard, c'est les yeux qu'on va retrouver mieux. Oui, laisse aller, s'il y veut aller, laisse aller.